Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. À pied, en voiture, à bicyclette, l'exode de 1940. Le 25 juin 1940, le quotidien Paris Soir s'intéresse aux chiens. Pauvre toutou, brave toutou. Dans le lamentable exode auquel nous venons d'assister, n'avons-nous pas remarqué des chiens de toute race? Y en avait-il de ces pauvres bêtes, fortes ou frêles, qui ont partagé les fatigues et les privations imposées à leur maître? Ceux qui arrivèrent à destination quelque part en France, comme ceux qui durent hélas rebousser leur chemin, ne manqueront pas de mentionner les qualités de leurs chiens. Une histoire de l'exode vue du regard de l'animal, très intéressant aussi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'exode sous plusieurs regards, et notamment celui des enfants. Éric Alary, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Paradoxalement, l'exode de 1940 ne commence peut-être pas en 1940. Quand commence cet exode qui concerne la Seconde Guerre mondiale? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre de dire qu'il y a un exode avant l'exode. D'abord, il y a une histoire des exodes qui existe en France, notamment les exodes de 1914-1918, hein, qui s'étendent sur l'ensemble de la Grande Guerre. Près de 2,5 millions de Français se sont exilés sur les routes de France. Par la mer notamment, certains ont rejoint l'Angleterre, d'autres ont rejoint par la mer du Nord, Royan, où des centres de réfugiés existaient déjà. Et puis, on peut dire que la figure du réfugié existe déjà au XIXe siècle, elle est un peu moins connue, mais dans notamment la Russie des Tsars, il y a déjà des mouvements de population de petite dimension qui existent entre l'ouest de Moscou, la Volga, l'Ukraine déjà, mais aussi bien d'autres régions, la Finlande également. Il y a eu aussi, bien sûr, avec l'émiettement de l'Empire ottoman, l'homme malade, il y a eu aussi beaucoup de déplacements de population, notamment, et ce avant la Première Guerre mondiale, lors des deux guerres balkaniques, 1912-1913, où là, il y a des populations qui sont déplacées. Car là encore, les territoires de l'Empire ottoman sont disputés entre les Bulgares, les Serbes, les Grecs. Et déjà, il y a un remuement, si on peut dire, un grand remue-ménage, pourrait-on dire, pour les populations civiles. Alors, il est clair aussi que ce qui est assez nouveau dans la Grande Guerre, c'est qu'en même temps que des réfugiés s'en vont, ils peuvent être soumis à des bombardements, plus ou moins volontaires. Et donc, avant Guernica, avant ces nouvelles techniques qu'on appelle nouvelles techniques de guerre sur les civils, on s'aperçoit que déjà, au mortier, des villes sont bombardées, et ces villes sont emplies de civils. Il n'y a pas forcément d'ordre d'évacuation avant. Je pense par exemple à Reims. Même s'il y a eu des évacuations, beaucoup de civils sont morts à Reims au moment du grand bombardement qui a fait... dont le monde entier a parlé, notamment les journalistes américains. Et donc, si vous voulez, il y a quand même cette idée que pour faire plier les hommes politiques ou faire plier les maires, c'est-à-dire les autorités locales, car il y a toujours cette distinction entre autorité centrale de l'État et autorité municipale, pour faire plier les autorités civiles, eh bien, les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, pensent à l'occasion, de temps à autre, qu'il faut faire quelques exemples et faire tuer des civils en jouant sur l'opinion. Et on s'aperçoit que l'opinion, l'action sur l'opinion devient une arme fatale pour les civils. Éric Alary, l'effet générationnel que vous évoquez est très important dans cette histoire-là. Quand, en septembre 1939, la guerre est déclarée, et l'offensive, c'est bien plus tard, après la drôle de guerre en 1940, les gens qui vivent cela ont encore en mémoire, ce n'est pas si vieux, une trentaine d'années à peine, ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Vous parliez des enfants en introduction, les enfants de 14-18 sont les combattants, voire les papas, voire les mamans de 1939-1940. Alors, bien sûr, il y a cette période un peu curieuse qui commence en septembre 1939 jusqu'au 10 mai 1940 qu'on appelle la drôle de guerre. Mais là, pour le coup, on sent que l'État en France, mais aussi l'État belge, qui a travaillé avec l'État français, dans l'entre-deux-guerres, ces deux États ont tiré les leçons de la désorganisation de l'accueil des réfugiés pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a des plans qui sont mis en place avec, pour chaque arrondissement de Paris, des points de chute en province, pour la Moselle notamment, le Pas-de-Calais, le Nord, etc. Toutes les populations frontalières ont la possibilité justement d'avoir un refuge en cas de guerre. Mais tout ceci est très lisse et très beau sur le papier. Ah oui, parce que il y a cela, il y a la présentation des choses et puis la réalité vécue, et la présentation des choses est Pire encore, j'ose le dire, quand il s'agit de documents de propagande, comme ici, quand est présenté l'exode belge en 1940. Une guerre nouvelle commençait. Guerre d'extermination contre des civils sans défense. En moins de 24 heures, le long des routes, on vit se former les premières caravanes. On vit mitrailler du haut des airs les premières voitures de réfugiés. Puis, à mesure qu'au passage de l'ennemi, les ruines s'accumulaient au Luxembourg et en Belgique, s'ouvraient les premiers centres d'accueil. Nous sommes en 1943 avec ces actualités françaises, donc documents de propagande qui évoquent l'exode belge de 1940. Éric Alary, dans la chronologie de cet exode, nous l'avons dit, septembre 1939, c'est la déclaration de la guerre, le 3 septembre. Déjà un mouvement de population dès la déclaration? Oui, il y a un mouvement de population qui est prévu, qui est très bien organisé, rationnel, qui prévoit l'évacuation des populations frontalières à l'arrière. Enfin, à l'arrière de la frontière, pour l'instant, et notamment vers la Normandie, vers l'Ouest, vers Paris, avec une organisation extrêmement bien rodée, qui associe à la fois les trains de la SNCF, les ADP, auxiliaires de la défense passive du colonel Larocque, dont on pourra reparler, qui a joué un rôle très important dans l'organisation de l'accueil et de l'évacuation, notamment des Mosellans. Donc, ces populations savaient qu'elles seraient évacuées en cas de guerre, qui dans le sud-ouest de la France, qui en Saône-et-Loire et dans d'autres départements. Et à Paris aussi, des évacuations préventives sont prévues, notamment l'évacuation de près de 38 000 enfants. Mais tout le monde pense que de toute façon, ils seront de retour assez vite. Et puis la France s'enfonce dans un drôle de guerre, une guerre sans coup de fusil, enfin sans coup de fusil, croit-on, du moins les Français ne le savent pas, mais il y a déjà les coups de fusil de part et d'autre de la frontière. Donc effectivement, il y a des mouvements de population, et puis il y a aussi ces exodes, pardon, pour le lapsus, mais il y a ces évacuations qui sont absolument improvisées, c'est-à-dire des familles des grandes villes de l'Est qui ne sont pas encore évacuées, des familles parisiennes qui préfèrent envoyer les enfants dans les maisons de famille quand ils en ont, ou quelque part dans des centres d'accueil qui sont prévus, par exemple, près des châteaux de la Loire. Et attention, les châteaux de la Loire qui sont prévus aussi pour accueillir éventuellement, possiblement, le gouvernement, comme ce fut le cas déjà, comme cela avait été prévu en 1914-1918. Finalement, Bordeaux sera le deuxième point de chute après la Touraine. Oui. Et puis les œuvres d'art, tant qu'à faire, on va les mettre là. Mais Éric Alary, oui. Les lapsus sont toujours révélateurs. Entre exode et évacuation, quelle est la différence? Alors, les évacuations, en fait, se distinguent de l'exode. Alors, l'exode est un terme qui est né dans la presse très rapidement. Dorgelès, par exemple, utilise ce terme-là, et sûrement un des premiers à utiliser le terme d'exode au début de la guerre, c'est-à-dire à partir du mois de mai 1940. Mais le terme d'évacuation est un terme à un caractère officiel, c'est-à-dire c'est ce qui est prévu par l'État, c'est ce qui est prévu par les autorités, avec un plan bien dessiné, des routes bien dessinées, des routes que les civils doivent emprunter, sans gêner le travail des militaires qui, eux, doivent amener vers la ligne Maginot un certain nombre de moyens en hommes et en matériel. Mais rapidement, avant même le déclenchement des hostilités le 10 mai 1940, Hitler a quand même reculé près de 15 fois l'ordre d'attaque de la France, mal oublié. Il n'est pas sûr de lui, hein, et sûr de ses hommes certainement, mais pas sûr de lui. Eh bien, il y a déjà dans la langue administrative et dans les papiers administratifs, il y a déjà l'utilisation du terme de réfugié et non pas d'évacué. C'est curieux, très difficile à dire. Pourquoi est-ce qu'on parle de réfugié? Il y a peu de choses dans le droit français sur les réfugiés, quasiment rien, et même dans le droit international public, il y a très très peu de choses sur la qualification du réfugié. Quelques petits textes de la SDN, quelques petits textes de l'institution qui s'occupe des réfugiés à la SDN, qui est sûrement la seule institution qui a réussi quelque chose dans l'entre-deux-guerres, au sein de la SDN, mais dans les conventions internationales de l'AED 1899 et 1907, il n'y a rien. Il faudra attendre 1951 pour avoir une définition du réfugié, mais pas du réfugié français tel que nous verrons, nous l'entendons. Et nous savons combien la Société des Nations, la SDN, s'avère assez inopérante hein, face à ces mouvements qui concernent l'ensemble de la population. Éric Alary, vous avez évoqué les enfants avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Camille Mahé, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé justement sur l'expérience enfantine au milieu du XXe siècle, au moment de la guerre mondiale. Il y a une attention particulière accordée aux enfants par les gouvernements? Oui, alors effectivement, il y a une attention particulière. Alors, comme l'a expliqué Éric Alary, il y a l'expérience de 14-18 qui est dans les mémoires et on prévoit, on organise l'évacuation des enfants, d'ailleurs même dès le mois d'août 1939, alors que ce sont les vacances scolaires. Et tout au long de la drôle de guerre, on continue les évacuations. Et sinon, il y a une spécificité française qui se distingue d'ailleurs du Royaume-Uni où les évacuations pendant le Blitz ont été très mal vécues. Mais il y a une expérience en France des colonies de vacances depuis la fin du 19e siècle. et se déploie tout un réseau dans l'arrière-pays, dans les campagnes, donc soit dans des colonies collectives, soit dans des envois à la ferme, organisé par l'ensemble des partis politiques, mais aussi des organisations catholiques ou protestantes. Et donc, tous les étés, on envoie des enfants, ce qui fait une première expérience d'envoi en dehors des familles, de séparation familiale, qui est très importante et qui fait que, logiquement, les parents aussi consentent à envoyer leurs enfants pour les protéger. Cette solidarité française est mise en avant, évidemment, une fois encore, par la propagande de l'État français du gouvernement de Pétain. Sur tant de nos routes, l'exode continue. En files interminables et anonymes, tout un peuple fuit, laissant derrière lui deuils et dévastations. Par milliers, ils s'en vont à tout jamais ruinés, ruinés dans leurs affections, ruinés dans leur patrimoine. À chaque étape, le Secours National a établi un centre. Là, les évacués ont laissé une indication pour les parents et les amis qui passeront demain ou dans quelques jours, ou peut-être jamais. Les voitures à cheval ont été requises et font des relais de poste tous les 15 ou 20 kilomètres, transportant les invalides, les enfants et les objets précieux. Et au village d'accueil, loin de son foyer détruit, ce boucher, hier patron, a repris le tablier de garçon. À tous, il ne reste que leurs bras pour travailler. À tous, il faut que les heureux qui n'ont pas connu la grande misère de la guerre ouvrent leurs portes. La France accablée ne doit plus connaître qu'une loi, l'entraide, la solidarité. Voilà, donc tout est dit, entraide et solidarité. Mais là, nous sommes dans les actualités françaises. Tardivement, en juillet 1944, avec un retour sur les événements passés 4 ans auparavant de 1940. Mais Éric Alary, dans cette organisation de l'exode ou de l'accueil de ceux qui se déplacent, nous sommes avant l'État français, c'est encore la République. Comment la République, elle, envisage-t-elle tous ces réfugiés? Nous avons entendu avec Camille Mahé cette expérience française, notamment des colonies de vacances. Est-ce que cela, sur le papier, est organisé? C'est déjà important, même si après, dans la réalité, c'est autre chose. Alors, c'est très bien organisé. On peut regarder, par exemple, les archives de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui sont très éloquentes, justement, sur l'accueil, par exemple, dès le mois de mai 1940, des Belges. N'oublions pas que les Belges sont, avec les Luxembourgeois, les Hollandais, les premiers à arriver essentiellement sur Paris, donc au mois de mai 1940, près de 2 millions de Belges. Alors il y a une guerre des chiffres entre les autorités allemandes et les autorités françaises à ce moment-là. Et on voit dans ces archives de l'assistance publique ces enfants qui sont fatigués, ces enfants qui sont usés. Mais on sent que la République maîtrise, même si Paul Reynaud, le président du Conseil, écrit au colonel Larocque, je citais tout à l'heure, parce qu'il sait que le colonel Larocque a la possibilité de mobiliser 100 000 personnes, 200 000, peut-être 300 000 personnes, qui est un réseau politique et en même temps de solidarité. En tout cas, c'est comme ça que présente Larocque. Et donc, Paul Reynaud va écrire le 16 mai une lettre à Larocque en disant, ben voilà, la République a tout prévu, sauf que on pensait que ce serait un exode de quelques centaines de milliers d'individus venant de l'autre côté de la frontière. Or, il s'avère qu'ils arrivent par centaines de milliers, fatigués, usés, blessés, avec un ordre social qui apparaît. Et alors, évidemment, cet exode de mai 1940 semble bien digéré, j'ai envie de dire, par la République, avec un ordre social. Bien sûr, ceux qui ont des belles voitures partent en premier, arrivent en premier à Paris, les Belges, les Arbanais aussi, un effet de contagion. Et puis, l'écho des récits catastrophiques de 14-18, cette propagande sur les atrocités supposées de l'Allemagne, etc. Et il y en aura plus tard, mais là c'est anachronique de dire ainsi. Mais il y a quand même ces atrocités de la Première Guerre mondiale qui ont été grossies. Les deux propagandes s'y livrent, Antoine Preuve avait bien étudié cela à une époque. Et donc, la République semble plutôt bien diriger l'exode des Luxembourgeois, Hollandais, Belges et Français au mois de mai 1940. Les tableaux sont mis dans les arrondissements de Paris, tableau à la craie, avec les lieux, les points de chute pour certains évacués et déjà réfugiés français. Et puis, il y a une période d'accalmie des combats entre le 25-26 mai 40 et le 4 juin, avec entre-temps la poche de Dunkerque, où là, tout le monde pense au gouvernement, que ça y est, bon, tout va être stabilisé, que la guerre va pouvoir reprendre, que tout le monde reprend ses esprits, s'il le faut, peut-être organiser des lignes de contre-offensive ou d'offensive. Oui, voilà, parce que quelque chose est organisé, mais face à la réalité de la situation, bien sûr, tout ce qui a été imaginé ne se produit pas comme espéré. Avec cette figure du colonel Larocque, ce sont les croix de feu, ce sont alors ceux qui se sont opposés à la République parlementaire, mais qui, ici, dans une association d'une chronologie d'ailleurs très très fine, eh bien participe à ce mouvement. Il y a cette idée d'un effort national, de l'accueil de tous ces enfants. Comment ça se construit, Camille Mahé, pour les enfants? Parce que nous sentons bien que dans cette histoire, qui est aussi une histoire de l'émotion, l'enfant a une place très particulière, avec toutes les horreurs en mémoire de la Première Guerre mondiale. Il y a des centres qui se mettent en place et on les accueille. En fait, des colonies de vacances qui sont transformées en centres d'accueil. Oui, alors mon collègue disait à juste titre qu'il y a une stratification sociale qui se lie aussi dans l'exode. Déjà, les organisations d'évacuation qui s'étalent en fait d'août jusqu'au mois de mai, plutôt des enfants de la partie nord de la France et après plus tard des petits Parisiens. Finalement, on se rend compte qu'il se passe pas grand chose. Donc les enfants reviennent quand même à Paris, ils reviennent dans une partie de la moitié nord de la France. Et donc, il y a à la fois ces organisations d'évacuation de la part de l'État, mais il y a aussi les personnes qui décident d'évacuer dans les maisons familiales, dans la famille, dans le réseau. Donc c'est à la fois quelque chose de structuré, de collectif, mais quand même aussi d'individuel, parce qu'on veut protéger les enfants. C'est un peu l'entre-deux-guerres commence à déployer l'État social progressivement. C'est l'urgence, en fait, qui fait la grande différence pour ces départs dans l'aspect émotionnel des enfants. Un voyage en colonie de vacances est prévu depuis longtemps, l'on se prépare. C'est important, cette comparaison, parce que l'enfant sait ce qu'est un train. En revanche, là, c'est la rapidité de l'événement qui perturbe énormément. Oui, alors exactement, dans les sources que les enfants ont produites, par exemple les dessins, les journaux intimes, les lettres, on constate clairement que pendant la drôle de guerre, les évacuations, elles sont plutôt prises de manière joyeuse, apaisée, c'est quasiment des vacances pour eux. Et le mois de mai, la date du 10 mai, constitue une sorte de rupture temporelle. Il y a un choc brutal pour eux, parce que tout de suite, on est dans l'urgence et il y a quelque chose de nouveau qui apparaît aux yeux des enfants, c'est le regard des parents paniqués. Tout d'un coup, on a un formidable encombrement dans les gares, sur les quais. On n'arrive plus à partir aussi parce que qui dit attaque allemande dit aussi destruction des réseaux ferroviaires. Et donc cette urgence et cet inattendu, toute cette panique qui se lie à la fois chez les parents, mais aussi par rapport aux autres individus qui se trouvent tout simplement dans la rue, crée un moment de bascule chez les enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais qui comprennent qu'il y a un danger imminent. Et là, les émotions commencent à jaillir, qui sont parfois aussi difficiles à exprimer pour les enfants. Éric Allary. Oui, je rejoins tout à fait Camille Mahé sur ce point-là, même si l'exode de mai n'est pas celui de juin. Puisqu'il y aura des bombardements, le mitraillage par les Shtuka des colonnes de réfugiés. Le 10 mai, c'est le début de l'invasion. C'est le début de l'invasion, la période de calme dont je parlais tout à l'heure, et ensuite là, il va se passer autre chose, l'État est complètement décérébré. Dans cette urgence, on voit qu'il n'y a quand même pas tous les parents. L'exode, comme les exodes, et l'exode actuel qui n'est pas fini, loin de là, des Ukrainiens, montre une société d'enfants, de femmes, de vieillards essentiellement. Quand on regarde les photos, vous le savez aussi bien que moi, on voit essentiellement des femmes et des enfants. Il faut effectivement les protéger. Et il y a déjà des mères qui laissent leurs enfants dans certaines maisons pour aller un peu plus loin, pour voir si quelque refuge est possible, et qui oublient de donner leur adresse dans l'urgence. Vous parlez de cette urgence. Qui oublient de donner leur adresse, pensant qu'elles vont retrouver facilement leur enfant au retour, peut-être en juin. Impossible. Souvent, c'est impossible. Et ainsi, déjà, dès le mois de mai, tout de même, quelques milliers d'enfants sont perdus. Donc, effectivement, je suis d'accord. Cette urgence crée quelque chose de phénoménal. Et puis, il y a des récits d'enfants qui quand même sont ceux de vacances. Il y a ceux qui ne sont pas allés aux colonies de vacances, ni celles du Parti communiste, ni celles des catholiques ou des protestants, ou laïcs, et qui pensent que là, les parents, en tout cas, leur offrent, en tout cas, les mamans leur offrent une sorte de vacances. Et c'est vrai qu'en mai, les mamans peuvent disserter là-dessus, essayer de rassurer les enfants. En juin, ce sera plus possible, ce sera sauf qui peut. Alors, on peut dire ça pour les Français. Pour les Belges, c'est déjà sauf qui peut au mois de mai. Oui, voilà, dès le début du mois de mai. Une histoire aujourd'hui de l'exode de 1940, une histoire à hauteur d'enfant. Elle vient de la route. Son père a été tué et puis sa mère. Bah, qu'est-ce que j'y fasse? On pourrait peut-être la garder. T'es pas fou? Avec ton frère qui est blessé? Oh, tant pis. Elle va aller chez les Gouards. Chez les Gouards? T'as pas honte? Pour qu'il demande encore une autre médaille. Allez, viens. Tu vas nous raconter ça. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. T'as fini d'embrasser tout le monde. Tu veux que je t'embrasse? T'es pas gentille. Pourquoi? Ce que tu m'as dit pour la croix du curé. Bah, tu me l'as pas donné. J'ai essayé, j'ai reçu des tartes. Ici, les tartes. Embrasse-moi dessus. Mieux que ça. J'ai dit, au lit. Fini de se sucer la pomme. Je viens. Nous étions en 1952 pour ce film de René Clément, Je les interdis. Camille Mahé, vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous enseignez à l'université de Picardie, Jules Verne, à Amiens. Vous êtes chercheuse associée au centre d'histoire de Sciences Po et votre thèse portait sur les expériences enfantines de la sortie de la guerre en Europe de l'Ouest, thèse dirigée par... Par Guillaume Piketty et Pierre Purseigle. Dans les sources que vous avez utilisées, vous avez évoqué il y a quelques instants les dessins d'enfants. Quelles sont les sources dont dispose l'historienne pour travailler sur l'expérience enfantine de la guerre? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une multitude de sources pour avoir le point de vue des enfants, pour écrire une histoire dans l'œil de l'enfance ou à hauteur d'enfant, pour reprendre l'expression bien connue maintenant de Manon Pignot. On a à la fois les rédactions scolaires, qui sont les sources les plus communément conservées aux archives, qui se compte par milliers hein, sur ces expériences de l'exode comme de la guerre et de la sortie de guerre. On a aussi des dessins qui sont très intéressants, un petit peu plus difficiles à analyser, mais peut-être plus parlants parce que bien plus que des mots, les enfants arrivent à traduire leurs sentiments à travers les crayons. Et on a aussi des journaux intimes, des lettres et éventuellement, mais c'est un autre type de source, des mémoires écrites a posteriori. Et on voit vraiment le moment de l'exode dans tous ces documents. Qu'est-ce qui apparaît le plus? Alors, ce qui apparaît le plus, c'est à la fois les routes congestionnées, et on pourra revenir dessus peut-être tout à l'heure, toutes les questions matérielles, hein, parce qu'on est en été, il fait chaud, il faut marcher souvent, bien le plus souvent à pied. Mais on voit aussi quand même la grande violence de la guerre qui se traduit essentiellement par les avions qui sont... omniprésents dans ses dessins notamment et aussi qui sont faits mention de manière récurrente dans les rédactions et les travaux scolaires. Et on retrouve toute cette violence avec la présence de destruction, la présence de la mort aussi parce qu'on retrouve sur les dessins par exemple des petites croix qui sont sur le bord de la route. Quand on s'intéresse un petit peu plus aux détails, on va se rendre compte que vous avez des corps qui sont allongés sur le sol, représentés avec des taches de sang, avec qui sont par exemple démembrés, donc avec un pied ou un bras qui sont à côté des corps, et même des personnages qui vont avoir le visage effacé ou raturé, alors que d'autres personnages à côté, sur un même dessin, vont avoir des yeux, un nez, une bouche. À la fois, ces représentations témoignent d'une grande violence de l'expérience de guerre, mais aussi, elles témoignent de la peur, du danger imminent qui est constant sur ces routes de l'exode. Éric Allary, vous avez aussi travaillé sur l'histoire des enfants. Histoire des enfants des années 1890 à nos jours, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Passé Composé. Cette histoire de l'exode, on l'entend bien à vous écouter tous les deux, c'est une histoire de femmes et d'enfants, puisque les hommes sont en coma. Par définition même, l'exode est organisé très souvent par les mamans pour mettre... elles-mêmes sous protection, se mettre sous protection et puis mettre leurs enfants aussi à l'abri. Oui, alors c'est très difficile, comme le dit Camille Mahé, de cacher aux enfants ces morts hein, sur le bord des routes, ces croix avec des numéros, tombe numéro 1, tombe numéro 2. Ça, on le voit dans les dessins qui avaient été publiés il y a quelques années par Yves Galupo et Antoine Pro, et effectivement le sang qui apparaît. Alors les mamans doivent organiser l'exode. Il faut emmener la poupée. Pour essayer de calmer l'enfant, il faut emmener le canari. Hein, c'est pas qu'une légende. Léon Vert, dans 33 jours, raconte. Il fait son exode aussi vers lui, vers le Jura. Il raconte ce qu'il voit sur à la bord du pont d'Orléans, je crois. Et donc, il raconte ces mamans qui tiennent d'une main le canari en cage et le gamin de l'autre quand il y a un seul gamin. Parfois, il faut aussi pousser la grand-mère dans le landau, qui est le seul moyen de locomotion, le landau qui servait autrefois à mettre les nourrissons. Et puis, il faut trouver des pauses, des étapes. Quand l'exode devient beaucoup plus dangereux en juin 1940, Quand le gouvernement s'en va de Paris le 10 juin, c'est la panique générale. 2 millions de Parisiens fuient, emportant avec eux tous ceux qui veulent bien partir entre Étampes et la Touraine et la Loire notamment, car tout le monde est persuadé, il y a une rumeur qui court, qu'il y a une contre-offensive qui se prépare sur la Loire comme elle avait eu lieu sur la Marne en septembre 14. Et donc ces mamans doivent tout préparer. Ce sont des marches, très peu de mamans sur l'ensemble ont une voiture, voire un vélo. Et d'ailleurs les voitures tiennent pas très longtemps, les radiateurs fuient, il n'y a plus d'essence. Et ces enfants doivent marcher. Ben, vous savez ce que c'est de faire marcher un enfant déjà 1 kilomètre ou 2, déjà à l'époque, hein, c'est pas qu'aujourd'hui, c'était très compliqué. Donc il faut les rassurer, il faut trouver de l'eau, et parfois ceux qui les regardent passer, qui ne viennent pas avec eux, font payer le verre d'eau, ce qui est compliqué. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi toutes les bassesses humaines que les mères doivent affronter. Parfois elles vont dormir dans une ferme abandonnée par les fermiers qui sont partis, mais voilà que les fermiers reviennent parce qu'ils s'aperçoivent que finalement cet exode est une catastrophe, est un leurre, et se font expulser manu militari. Des femmes sont battues devant leurs enfants. On imagine ou n'imagine pas les traumatismes de ces enfants qui ont été très peu étudiés, mais étudiés tout de même après la guerre, hein, par un certain nombre de psychiatres. Et puis soudain, pour ces réfugiés sur les routes, il y a un bruit d'avion avec la peur d'être mitraillé. Mais là, je vous rassure, cet avion est un avion ami. Je survole donc des routes noires de l'interminable sirop qui n'en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n'est déjà plus vrai. Elles s'évacuent d'elles-mêmes. Il est une contagion démente dans cet exode. Car où vont-ils, ces vagabonds? Ils se mettent en marche vers le sud, comme s'il était, là-bas, des logements et des aliments. Comme s'il était, là-bas, des tendresses pour les accueillir. Mais il n'est dans le sud que des villes pleines à craquer où l'on couche dans les hangars et dont les provisions s'épuisent, où les plus généreux se font peu à peu agressifs à cause de l'absurde de cette invasion qui, peu à peu, avec la lenteur d'un fleuve de boue, les engloutit. Une seule province ne peut ni loger ni nourrir la France. Pierre-Marie Baudouin qui nous lisait cet extrait de Pilote de guerre de Saint-Exupéry. L'avion, moment essentiel dans cette fuite pendant l'exode, la peur de l'avion. Éric Alary, nous avons tous en tête ces images de colonnes de personnes qui se déplacent avec tous les véhicules possibles et parfois improbables. Et puis ce moment du passage de l'avion, avec la crainte que ce soit un avion ennemi, un avion allemand. Oui, le vombrissement des avions au loin fait immédiatement peur. Il faut savoir aussi que la plupart des réfugiés ont en tête les images des actualités françaises de l'entre-deux-guerres. Il y a eu Guernica, il y a eu la guerre d'Espagne, donc globalement. Il y a eu aussi les premiers bombardements terribles de Rotterdam. Et puis, beaucoup de Belges rapportent déjà au mois de mai qu'il y a eu des bombardements, ou plutôt des Stuka, les avions allemands, qui, toutes sirènes hurlantes, piquent sur les réfugiés, et tirant à l'aveugle, évidemment, obligeant les vieilles dames, les mamans, les enfants à se replier dans les fossés, à courir dans les champs. Les gens qui fuient en train aussi sont bombardés, et il faut arrêter les trains en pleine voie, entre la gare d'Austerlitz et la Loire, par exemple, pour dire aux voyageurs, aux enfants, aux femmes de courir dans les champs. Souvent, d'ailleurs, quand ils reviennent, ils n'ont plus leurs effets personnels qui ont été pillés, car c'est aussi ça l'exode. Toutes les bassesses humaines, disais-je tout à l'heure, surgissent, le pillage, et donc le pillage des réfugiés. Et ces Stuka vont faire des dégâts considérables. Juste une petite anecdote, si vous permettez. Beaucoup de réfugiés que j'ai rencontrés, et des témoignages que j'ai lus, parlent d'avions italiens, bien souvent, en disant « il y a une cocarde italienne, c'est sûr, c'est le drapeau italien ». Sauf que c'était les symboles du fascisme qui étaient sur les avions, censés être sur les avions italiens. Aucun avion italien peut venir d'Italie pour mitrailler les réfugiés, sauf si les Allemands ont maquillé des avions ou ont fait partir des avions italiens depuis les aéroports du nord de Paris, les aérodromes de Belgique, etc. Donc il y a une forme d'illusion, des centaines de réfugiés auraient vu des avions italiens. On peut comprendre que l'exode a créé des traumatismes puissants et l'exode a rendu fou. Il y a des fous sur les routes de l'exode qui sont libérés. On se rendra compte d'ailleurs après qu'ils ne sont pas fous, mais c'était fou dans la définition de l'époque. Et il y a cet exode qui rend fou des gamins, des femmes et des vieillards. Oui, parce que il faut, puisque tout le monde s'en va, ouvrir les portes de ce qu'on appelle les asiles pour que les gens puissent trouver peut-être une échappatoire. Éric Allary, vous avez écrit cet ouvrage sur l'Exode. L'Exode, un drame oublié. Le mot oublié est très intéressant dans le titre que vous avez choisi de cet ouvrage publié par Perrin, enfin, et puis Collection Tempus. C'est un moment de traumatisme intense. C'est le traumatisme originel pour beaucoup de la guerre. Et vous avez parlé de témoignages. Tout à l'heure, nous avons écouté un extrait de ce film magnifique, Les Jeux Interdits, de René Clément. Et bien maintenant, nous écoutons René Clément. Si je vous dis, par exemple, j'ai été le premier probablement à retourner. En zone de la débâcle. Oui, en zone. Non, je suis à Albi. Nous continuons, je descends, je vais à Toulouse. J'arrive à Toulouse. Toulouse. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de réfugiés et des centaines de millions de puces. Je me rappelle, Toulouse envahie par les puces. On ne peut pas savoir la confusion qui régnait à Toulouse au mois d'août 1940. Enfin, l'exode, vous voyez, cet exode arrivant dans cette ville merveilleuse que je connaissais tellement bien pour y avoir fait mon dernier documentaire. À ce moment-là, les familles, tout le monde, les frères, les sœurs, tout le monde avait perdu contact les uns avec les autres. C'est René Clément qui s'exprimait en 1980 à propos de l'Exode. En 1940, il avait 27 ans. Et Éric Allary, il y a ce moment d'émotion dans la voix de René Clément. C'est ça aussi, tous les témoignages que vous avez pu croiser, raconter l'Exode. C'est une aventure humaine d'une intensité qui est presque indicible, humaine, individuelle et collective. Oui, tous ces témoins dont on sent bien l'émotion effectivement dans la voix de René Clément. C'est indicible, c'est irréel. Pour beaucoup de Français qui vont être réfugiés, qui vont devoir revenir chez eux, dans ce qu'on appelle l'exode, ce que j'appelle moi l'exode à rebours, parfois franchissant la ligne de démarcation qui était instaurée entre-temps, avec l'aide des Allemands pour leur propagande, en disant « Regardez, ces soldats allemands sont sympas, finalement ils nous ramènent dans notre zone non occupée ». C'est un souvenir qui souvent a été rejeté d'ailleurs par les exodiens, comme dit Jean-Pierre Azéma. Et en fait, pour beaucoup, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils s'aperçoivent que cet exode finalement était bien inutile. Quel était l'objectif ? C'était fuir les histoires entendues, fuir les bombardements allemands, fuir l'allemand. Mais les Allemands ont rattrapé les réfugiés, ont rendu caducs. Ils reviennent, ces réfugiés, parfois leurs maisons sont détruites. Ils n'ont pas de nouvelles du papa, du frère qui est mobilisé, voire prisonnier de guerre, ou qui est démobilisé, ou en train d'être démobilisé. Donc il y a un temps aussi de choc entre juillet 40 et septembre 40, où il faut rentrer à tout prix chez soi, le plus vite possible, parce que les Allemands après refermeront la ligne de démarcation. Et on s'aperçoit que pendant des décennies, sauf Jean Vidalin, spécialiste de la restauration française, qui va s'intéresser à l'exode, personne ne s'y intéresse. On sait surtout chez les historiens intéressés à l'histoire politique, par le haut, à l'histoire de la résistance, très peu à l'histoire sociale en général. Et l'exode fait partie de cette histoire sociale. Et elle est un marqueur puissant, l'histoire sociale des Français. Et beaucoup de gens que j'ai connus qui étaient les enfants de réfugiés me disaient que quand ils posaient des questions sur l'exode, les parents évitaient la question ou les engueulaient, pour dire un terme un peu vulgaire, les engueulaient parce que pour eux c'était un choc, une cicatrice. Que Pétain aussi, sur laquelle Pétain a appuyé, c'est vrai, en 1940, lors de son appel du 17 juin, sur la cessation des hostilités, il plaint, il utilise le pathos pour dire les réfugiés sont, c'est extraordinairement difficile, mais grâce à moi, l'exode va s'arrêter et ça fonde peut-être en partie aussi le terreau à cette confiance que auront beaucoup de réfugiés, disant finalement Pétain nous a sauvés une première fois et peut-être continuer à nous sauver dans les années suivantes. Pétain aussi qui, un an après, insulte quasiment les réfugiés en les traitant de fuyards, en disant qu'ils sont les produits de la déliquescence parlementaire de la Troisième République, etc. Et qui dit même que les militaires se sont bien battus, c'est bien la première fois qu'on l'entend, les militaires se sont bien battus, ce qui est vrai, du reste, sauf qu'il oublie de dire que la coordination du commandement était très mauvaise, et des trois armes aussi, et en même temps, il dit en gros que la débâcle, elle est due aux réfugiés. Or, dans mes recherches sur la débâcle, Jean Vidalin n'avait pas pu le montrer parce qu'il a écrit son livre en 1957, et j'ai parfaitement pu montrer que la débâcle militaire est déjà jouée et le refuge ou l'exode n'a absolument pas, je dirais, été la cause de la débâcle. En tout cas, vraiment à la marge. Donc, il y a une fausseté là, et peut-être que beaucoup de réfugiés l'ont intégré ensuite pendant des décennies, en disant finalement on est quand même coupable de cette débâcle. Oui, c'est vraiment quelque chose qui reste encore régulièrement. Ces routes encombrées ont empêché les militaires français de mener à bien leurs actions. Camille Mahé. Oui, alors je crois que pour rebondir sur ce que vous avez dit, ce qui est difficile aussi dans l'interprétation de l'événement, à la fois en 1940, en 1941, en 1944 aussi, pour interpréter un petit peu à la fois l'événement et la mémoire, il y a tout un ensemble d'interprétations qui s'accumulent par couches et aussi qui s'entremêlent. Parce que par exemple, pour les enfants, on ne donne pas cette justification dans les manuels scolaires. Dès 1941, on explique que c'est plutôt l'esprit de déchristianisation, de délitement moral. Et on essaye de valoriser quand même un petit peu les militaires qui sont envoyés en Allemagne pour se mobiliser un petit peu et leur envoyer par exemple des paquets. Après, en 1944, on va avoir une nouvelle interprétation qui est proposée par le gouvernement provisoire et qui explique toujours dans les manuels scolaires et dans les discours à l'école que finalement l'armée n'était pas prête, tout du moins elle était moins préparée que l'armée allemande qui avait moins de chars, moins d'avions. Et donc cette impréparation militaire fait que il y a à la fois une accusation vis-à-vis des exodiens, mais pas seulement quand même. Oui, parce que c'est l'histoire du vécu de ces enfants en l'occurrence et de l'histoire que l'on raconte à ces enfants pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Mais dans cet exode, il y a aussi tous ces enfants perdus. Monique Dehy, D-H-E-I-L-H-Y. Âgée au moment de sa disparition de 10 ans, elle est née à Corby dans la Somme. Elle a disparu le dimanche 17 mai à Amiens au cours d'un bombardement. Elle était à ce moment-là avec son père. On n'a plus trace de l'enfant depuis ce moment. On suppose qu'elle-même a peut-être été blessée et emmenée dans une ambulance ou dirigée sur un hôpital. L'enfant mesurait au moment de sa disparition 1,40 m. Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint très clair, une bonne dentition. Elle n'a pas de signes particuliers physiques, mais elle portait des boucles d'oreilles et une chaîne au cou. Voici comment elle était vêtue. Une petite jupe vert foncé, un pullover couleur rouille, un tablier à carreaux vert et jaune, des chaussettes blanc crème, des souliers et des bas noirs, un manteau rouille. Il s'agit, je le répète, de la petite Monique Dehy, disparue à Amiens le dimanche 17 mai. Nous étions en juin 1941 et la radiodiffusion proposait ces messages pour retrouver des enfants, une archive chargée d'émotions. Éric Alary, ce sont ça aussi, toutes ces histoires, tous ces destins, ce sont ces déchirements, et c'est terrible d'imaginer ça, mais c'est l'importance de se remettre peut-être à hauteur d'enfants, à hauteur de toutes ces femmes qui ont vécu l'exode. Oui, alors, effectivement, c'est un véritable chaos. Déjà, pendant l'exode, il y a des recherches d'enfants. La Croix-Rouge internationale, quand vous entendez le sigle CICR, vous savez qu'il y a une guerre, que ça se passe très très mal. Et on l'entend souvent en ce moment, notamment dans l'actualité. Et ils vont immédiatement, au CICR, essayer de recenser l'ensemble des enfants perdus. Le CICR avait donné 90 000 enfants. On peut parier qu'il y en a beaucoup plus. Il faut penser qu'il y a des enfants qui ont été laissés sur un marchepied dans une ville, dans un village, qui ont été laissés par leur mère à des familles, lesquelles familles ont continué et parfois sont mortes dans des bombardements. Il y a vraisemblablement des enfants dont le corps n'a jamais été retrouvé. Combien d'enfants ont-ils retrouvé leurs parents parmi ces 90 000 recensés officiellement par la Croix-Rouge internationale? On n'en sait rien. Il y a ces enfants aussi, ces nourrissons qui ont été laissés par des mères dans des centres d'allaitement qui existaient ici et là dans quelques villes déjà avant la guerre, des villes moyennes notamment. Donc effectivement, les enfants sont totalement perdus. Certains enfants ont la chance de rester avec leurs grands frères ou leurs grandes sœurs. On imagine cette solidarité et on l'imagine pas. D'ailleurs, j'ai vu des frères et sœurs devant moi qui ont maintenant plus de 80 ans, mais qui s'adorent et qui ont cette épreuve qui est un marqueur considérable. Pas question. On était des enfants. On se battait avant la guerre, avant l'exode. On ne se battra plus jamais l'un contre l'autre. Et au contraire, nous serons tous solidaires. C'est vraiment un marqueur. C'est un ciment dans les familles. Certains termineront dans les orphelinats. Il y a des orphelins aussi qui sont perdus sur les routes de l'exode, qui ne retrouvent aucune structure. Il faut reconstituer. Il y a des affichettes partout, dans les gares. Il y a ses parents qui deviennent fous, ses mères qui se tirent les cheveux, le mari n'est pas là, la mère n'a même pas une épaule sur laquelle se reposer pendant des mois et des mois. Et l'Allemand d'afficher cette affiche « Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands pour sa propagande ». Ouais. Nous sommes dans un moment d'intensité et de cynisme aussi. Vous avez raison, Éric Alary, en plus, en écho à d'autres moments de l'histoire, parce qu'il y a quelque chose d'intemporel, voire d'universel dans cette histoire-là. Et puis, c'est un peu l'écho du titre de votre ouvrage, hein, L'Exode, un drame oublié, cet oubli par l'intensité des événements et la résistance, et évidemment la Shoah, mais l'intérêt porté à l'enfant. Camille Mahé, l'enfant qui se trouve seul, l'enfant qui a vécu l'Exode, là aussi est quelque chose qui se met en place très progressivement. Je ne veux pas utiliser cette expression, mais si, allez, je l'utilise, il y a quand même plusieurs gens à ce moment-là. Il faut trouver des places pour les enfants, mais à quel moment on s'occupe vraiment de ce traumatisme de l'Exode ? Vous voulez dire pour le traumatisme des enfants ? Oui, des enfants. En 1940 ou un petit peu plus tard ? Alors déjà, ce qui est difficile aussi avec le traumatisme, c'est une notion qui apparaît, enfin qui est contemporaine à la période. Donc, elle commence à s'institutionnaliser, à se construire, à s'élaborer. Il y a une personnalité bien connue d'Alfred Brauner, en fait, Françoise et Alfred, le couple Brauner, qui s'occupe déjà des enfants en 1936, qui accueille les enfants espagnols pendant la guerre civile et qui commence à constater qu'il y a éventuellement un choc psychologique qui se crée. Alors c'est pas forcément toujours un traumatisme, c'est toujours délicat pour les historiens et les historiennes de définir précisément un traumatisme, mais la question commence à se mettre en place et à s'institutionnaliser à partir de 1936. Elle se déploie pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est vraiment après, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que à l'échelle internationale, on pose cette question du traumatisme des enfants, qui n'est pas justifié tout à fait de la même manière, par exemple, qu'aujourd'hui. Puisqu'on vous parliez des mères, on va insister sur le rôle des mères dans le traumatisme, avec une culpabilisation des mères. Le mari n'était plus là, grossièrement, pour le dire simplement. Elles ont dû travailler, chercher un refuge, elles ne se sont pas occupées des enfants, donc c'est pour ça qu'ils sont traumatisés. On sait que c'est un peu plus compliqué, mais on est dans une période où ça se définit exactement à ce moment-là, aussi au vu de la violence des événements que les enfants sont en train de vivre. Oui, parce que cette violence est consubstantielle du conflit, de la guerre, c'est la guerre. Et l'intérêt porté aux enfants ne se limite pas à dire, eh bien, nous allons les accueillir et les protéger un moment. Il y a vraiment cette idée de retour, Éric Alary. C'est ça aussi l'exode. Ce n'est pas un départ définitif. Mmh. Il faut revenir. Et là, le retour est toujours difficile. Mmh. Pensez que l'exode à l'époque a duré un mois, deux mois maximum, que tout le monde est rentré. Aujourd'hui, les enfants ukrainiens, quand rentreront-ils? Donc, vous imaginez déjà en deux mois ce qu'on vient de définir, ce qu'on vient de dire. Il faut revenir à l'école. Il faut aussi accepter des camarades qui viennent d'autres régions, ce qui n'est pas évident. Et puis, à la fin de la guerre, il y aura l'autre exode, celui des Normands. Plusieurs centaines de milliers, il faudra aussi reconstruire des écoles un peu partout. Donc, les traumatismes vont s'accumuler. Pensez aussi au rationnement. Et les mères sont sans arrêt culpabilisées. Elles sont culpabilisées au moment de l'exode, quelques mois après, par le maréchal Pétain. Elles sont culpabilisées dans les ouvrages de cuisine de restriction. Elles doivent être les dernières à s'alimenter. Les enfants perdent 7 à 8 centimètres pendant la guerre de taille. Ils perdent du poids et ils doivent encore supporter le rationnement jusqu'à au moins 1949. Tout le monde ne peut aspirer qu'à l'espoir et à l'espérance. Est-ce que c'est une des explications, un des facteurs du baby-boom qui commence quand ? En 1943, au moment où les Français mangent le moins, où les rations caloriques sont les plus faibles. Peut-être aussi que c'était aussi l'accumulation de malheurs qui provoque un espoir dans l'enfance, ou dans l'enfant en tout cas. Le retour, moment essentiel dans cette histoire d'exode, moment difficile aussi. On voit encore des enfants vivre dans des bauges étonnantes et chercher des yeux leur maison, et leur maison n'existe plus. On voit encore des enfants vêtus de trous dans le froid de l'hiver, et il n'y a pas d'habits pour eux. On voit encore des enfants affamés chercher leur nourriture, quêter leur pain comme des chiens, et leur assiette n'est mise nulle part. On voit encore des enfants errer seuls et réclamé leurs parents, et leurs parents sont morts. Mais il faut que les enfants retrouvent leur ronde et leur chanson. Il leur faut des toits, des vêtements, des soins, du pain. Il leur faut l'adoption de la France. Il leur faut l'amour de chacun. C'est le journal des actualités françaises en janvier 1945 sur la vie des enfants. Eh bien, dans les ruines, Camille Mahé, le retour, c'est vraiment ça, le cœur de la question. Et l'archive est extrêmement bien faite. Enfin, c'est pas l'archive, c'est le document de 1945 qui est bien fait entre le désespoir et l'espoir. Oui, exactement. Et pour revenir sur la question du traumatisme, en fait, peut-être ce qui intéresse plus et ce qui alerte davantage les adultes et notamment les experts de l'enfant sur cette période, c'est surtout les conditions matérielles. En fait, ils n'ont pas à manger depuis 4 ans, ils ont froid, ils n'ont plus de vêtements. Et pour rappel, hein, le rationnement dure quand même jusqu'en 1949 et en 1946-47, on est dans l'un des hivers les plus froids du XXe siècle en Europe. On est aussi dans une crise alimentaire mondiale. Et donc, ces questions matérielles prennent le pas. Et pour avoir aussi interviewé énormément d'enfants, enfin d'anciens enfants de cette période, l'expérience de la faim a été extrêmement douloureuse et parfois même plus douloureuse encore que les expériences de violence, puisque beaucoup ont été évacués pendant la guerre et ont été relativement protégés. Ce qui est difficile pour les enfants aussi, c'est le retour, quand on se rend compte que on ne retrouvera pas ses parents, on ne retrouvera pas sa maison. Et je pense notamment là aux villes normandes, hein, qui ont largement souffert. Et le fait de ne plus retrouver le paysage du quotidien, de ne plus reconnaître sa rue, sa maison, est quelque chose d'extrêmement bouleversant pour eux. Je vous remercie tous les deux d'avoir cité l'exode des Normands en 1944. Mon papa est né en janvier 44 en Normandie, dans le Calvados. Et l'exode, j'ai toujours cru que moi que c'était 1944 parce qu'il l'a fait en poussette. Donc j'ai toujours cru ça, Éric Alary. Oui, c'est les mêmes images hein, qu'on retrouve, ou dessins d'ailleurs, qui sont au mémorial de camp, qu'on peut retrouver au mémorial de camp pour certains. Vous parlez de ces enfants. Dans leur malheur, en plus, les enfants vont être saisis de façon continue par, la propagande de Vichy, la propagande de la 4e République, notamment sur l'encadrement judiciaire des enfants et des jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants pilleurs aussi pendant l'exode, pendant les exodes d'ailleurs, même en Normandie, certains enfants sont perdus, bah, ils pillent pour pouvoir manger. Et la justice croit, bon, déjà en 40, de dire, bah, va peut-être falloir qu'on redresse ce pays en remettant dans le droit chemin cette jeunesse, ces gamins. Et donc ça, c'est quelque chose qui aussi, eh bien, cet exode desservira aussi les enfants et obligera le régime de Vichy, ou du moins se servira de cela, le régime de Vichy, pour justement parler de ce redressement de l'ordre par les enfants qu'il faut encadrer et qu'il faut peut-être punir davantage. Nous sentons combien hein, ce moment de l'exode de 1940 explique beaucoup plus de choses bien avant avec la mémoire des exodes, bien après avec toutes ces répercussions, c'est pourquoi ça donne envie de lire vos livres, Éric Alary, L'Exode, un drame oublié, et puis Histoire des enfants, hein, des années 1890 à nos jours, et puis ça donne envie de lire votre thèse, vous allez la publier, j'en suis sûr, Camille Mahé, Les expériences enfantines de la sortie de guerre en Europe de l'Ouest. Merci vraiment beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé de cette histoire à hauteur d'enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment devenir un président populaire ? La démocratie parlementaire a vraiment pris son envol en France au début de la Troisième République. À partir de ce moment-là, si l'on excepte la période de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de notre vie politique ont été placés sous la dépendance du vote populaire. L'un des enjeux majeurs a été, pour eux, de combattre l'inconvénient inhérent à la délégation de pouvoir qui crée une distance impossible à combler entre les représentants et les représentés. Dès les années 1880, les voyages présidentiels se sont imposés comme l'un des moyens privilégiés pour restaurer une forme de proximité entre les citoyens et les élus. Dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'histoire de ses déplacements officiels depuis Sadi Carnot jusqu'à Jacques Chirac, Nicolas Mariot a montré que, pendant un siècle, ces voyages ont été pris très au sérieux par nos dirigeants. Pour éviter le désaveu qu'aurait constitué l'absence du public acclamant son président, les services de l'Élysée les préparaient minutieusement. Les fonctionnaires et les élus locaux étaient chargés d'organiser des fêtes en marge de la visite officielle, en mobilisant au besoin les enfants des écoles pour qu'ils agitent des petits drapeaux français au passage du cortège présidentiel. Nicolas Mariot en conclut que la fabrication de cette ambiance festive inhabituelle visait à susciter des conduites de type acclamatif au sein de la population. Ce rituel politique était d'autant plus efficace qu'il était relayé par ceux qui avaient pour fonction de commenter les voyages officiels, à savoir les journalistes, mais aussi les experts de la science politique, scrutant la cote de popularité de nos dirigeants. Ce livre critique la traditionnelle analyse politique des fêtes publiques qui recherche, dans les émotions collectives d'une foule rassemblée, le témoignage de l'existence d'une communauté partagée. Ces commentaires autorisés ont contribué à faire croire que l'acclamation populaire était une forme de soutien à la politique d'un gouvernement, alors qu'il s'agit d'un comportement collectif très différent de l'acte individuel consistant à placer un bulletin dans une urne. Nicolas Mariot constate que la fonction des voyages présidentiels a évolué à la fin des années 1970. Pour le président de la République, il ne s'agit plus désormais de passer en revue l'ensemble des populations et des curiosités d'une région, mais de multiplier les rencontres avec des représentants de certaines catégories sociales ou professionnelles en fonction des objectifs fixés au voyage. C'est pourquoi la forme festive et populaire des déplacements présidentiels a eu tendance à disparaître. Depuis l'apparition de ce livre en 2006, l'irruption des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux a encore modifié la finalité des voyages présidentiels. Il faut désormais qu'ils s'adaptent aux critères que les médias privilégient pour définir la popularité vue en termes d'audience. Le chef de l'État doit donc jouer le rôle du simple citoyen dialoguant avec d'autres citoyens en acceptant le risque de se faire insulter, voire même agresser, car c'est ce genre de scandale qui permet d'alimenter le buzz. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Jean-Guy Lamège, émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tocienne Vudèche, Anne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site francecultures.fr et l'appli Radio France.